Chapitre 6. Ce qui rendait la situation de Ghislaine désespérée, c'est qu'elle n'avait personne à qui s'ouvrir, de qui elle put attendre conseil et secours. La connaissant bien, il l'exploitait, sûr à l'avance qu'il ne trouverait pas un homme devant lui pour l'arrêter. C'était à une femme qu'il avait affaire, en femme il la traitait. Vendez ou empruntez. Pour emprunter, il fallait qu'elle s'adressât à quelqu'un. À qui? De gens d'affaires, elle ne connaissait que son notaire, et il avait toujours été pour elle d'une déférence parfaite. Toutes les fois qu'il lui avait fait signer un acte, il semblait que c'était une faveur qu'il lui réclamait. Mais comment lui parler d'un emprunt de 250 000 francs? Il faudrait des explications. Il faudrait une confession. Elle serait morte de honte. D'ailleurs, alors même qu'elle se résignerait à cette confession, qu'obtiendrait-elle? Si peu qu'elle fût au courant des choses de la loi, elle savait cependant qu'une femme ne peut rien faire sans l'assistance de son mari, ni vente ni emprunt. Et ce serait assurément l'objection que lui opposerait maître le jeuneste. Emprunt pour le satisfaire, procès pour lui résister, était donc aussi impossible l'un que l'autre. Elle n'eût pu se procurer cette somme qu'auprès d'un parent ou d'un ami. Elle n'avait ni parent ni ami en situation de lui rendre ce service. Ses seuls parents habitaient l'Espagne. Et quand une femme vit dans une étroite intimité avec son mari, comme elle vivait avec le sien, elle a peu d'amis. Elle n'en avait pas. Il ne lui restait qu'un moyen, qu'une seule ressource. Vendre. Vendre de nouveau des bijoux. Quand elle avait fait le choix de ceux qu'on venait de lui payer 50 000 francs, elle s'était imaginée, sans rien préciser d'ailleurs, que la somme qu'on lui offrirait serait beaucoup plus forte. Certes, elle ne doutait pas de l'honnêteté de Marsh et Chabert, qui sûrement les avaient estimés à leur prix marchand, mais elle doutait de la valeur de ceux qui lui restaient, comprenant très bien que les pierreries, comme toute chose, subissent des dépréciations. Combien tirerait-elle de ceux qu'elle pouvait prendre encore, sans qu'on remarquât leur disparition? Une dizaine, une vingtaine de 1 000 francs peut-être, et de cette somme à celle qu'il exigeait, il y avait loin, si loin, que ces 20 000 francs ne pouvaient lui être d'aucune utilité. À la vérité, son écrin ne se composait pas que de ses respectables anticailles. Il comprenait des bracelets, une rivière, des croissants, un diadème, des peignes, des agrafes, des bouquets de corsage que son mari lui avait donnés, ainsi que le fameux collier de perles et les diamants de sa mère. Mais ceux-là, elle ne pouvait pas les vendre. Les uns parce qu'ils lui venaient de son mari et qu'elle n'allait pas les employer à la rançon de sa fille, les autres parce qu'ils étaient des souvenirs. Et cependant, puisqu'elle était contrainte à une nouvelle vente, c'était de ses souvenirs qu'elle devait se séparer. L'hésitation n'était possible que pour le choix. Après avoir balancé le pour et le contre, elle se décida pour le collier de perles. Avec lui, au moins, elle était certaine d'obtenir la somme dont elle avait besoin, puisqu'il avait été estimé à 400 000 francs. Elle n'aurait pas la confusion de retourner chez Marsh et Chabert. En effet, il ne pouvait pas être question de vendre ce fameux collier, car si le comte était d'une indifférence complète pour tous les bijoux, il ne laisserait pas disparaître celui-là sans s'en apercevoir. Ce qu'il fallait, c'était faire mettre des perles fausses à la place des vraies, et vendre celles-ci. Dans les crins où il resterait désormais enfermé, on ne s'apercevrait pas de cette substitution. Qui le verrait? Le comte seul. Et encore était-il possible qu'il ne le regardât plus jamais. Pour vendre ses bijoux, elle avait été tout droit chez Marsh et Chabert, qu'elle connaissait. Mais pour les perles fausses, elle ne savait à qui les commander. Cependant, comme elle avait acheté des parures de jais pour le deuil de son oncle, elle pensa que si dans cette maison on ne se chargeait pas de ce travail, on lui dirait à qui elle pouvait s'adresser. Le lendemain même, elle s'en alla en voiture de place au boulevard des Italiens et, se faisant descendre à la chaussée d'Antin, elle entra dans un magasin où, à côté du jais et du grenat, se trouvaient exposées des pierreries et des perles fausses. Bien qu'elle eût préparé ses premières paroles, elle éprouva un moment d'hésitation confuse avant de pouvoir s'expliquer. On ne savait pas qui elle était. Elle en avait la presque certitude. Mais enfin, on ne pouvait pas ne pas s'étonner de sa commande et ne pas chercher à deviner ce qui se cachait derrière. Enfin, elle se décida. Pouvez-vous, dans un collier, remplacer les perles vraies qui le composent par des perles fausses sans que cette substitution saute aux yeux ? Saute aux yeux ? Mais madame, nous pouvons arriver à une imitation si parfaite que personne ne s'apercevra que c'est une imitation. Tenez ! Ouvrant un tiroir, le bijoutier étala sur une vitrine une poignée de perles. Voyez-vous-même ! Ce que vit Ghislaine, ce fut que ces perles n'avaient pas l'orient doux, chatoyant, satiné des vrais, mais enfin l'imitation était suffisante pour qu'elle s'en contentât. « Où est le collier ? » demanda le bijoutier. « Je l'apporterai demain. Vous le copierez aussi exactement que possible. Même nombre. Il y en a 400. » Le bijoutier eut un sourire de surprise. « Même grosseur. Vous ferez servir l'ancien fermoir pour attacher ces perles fausses et vous mettrez les vrais dans une boîte. » Lorsqu'elle revint le lendemain apportant le collier, ce ne fut plus de la surprise que montra le bijoutier. Ce fut du respect. Mais il ne se laissa pas effrayer par la perfection de ses perles et il déclara que la copie serait digne du modèle. « Ce sera une œuvre d'art, je vous le promets. Et si vous ne laissez pas un curieux indiscret mordre mes perles, ce qui ne se fait pas dans le monde de madame, j'en suis sûr, vous pourrez porter votre collier avec pleine sécurité. Qu'appelez-vous mordre vos perles ? » demanda Ghislaine surprise. « J'entends les mordre avec les dents, ce qui est un moyen à la portée de tout le monde de s'assurer que les perles sont vraies, les fausses n'ayant pas la solidité des vraies. » On lui demandait 15 jours pour ce travail. Elle n'en put donner que 6. Le samedi, à 3 heures précises, il fallait qu'on le lui livrât. Et en effet, quand elle arriva le samedi, elle trouva le collier faux dans son écrin et dans une boîte les perles vraies. Le bijoutier aurait voulu qu'elle admirât longuement son œuvre d'art, mais elle n'en avait pas le temps. Après avoir jeté un rapide coup d'œil au collier, compté les perles vraies et payé sa facture, qu'on avait eu la délicatesse de préparer sans nom, elle remonta dans son fiacre et se fit conduire à la gare de l'Est. Quand elle entra dans la salle, l'horloge marquait 3h28. Elle chercha autour d'elle et ne l'aperçut pas. Comme ce n'était pas une heure de départ, la salle était presque déserte. Seuls quelques paysans arrivés longtemps à l'avance étaient assis sur des bancs, leurs paniers et leurs paquets devant eux. Ne sachant que faire, elle se mit à lire une affiche machinalement. Tournée contre la muraille, elle ne cédait point à la tentation de jeter çà et là des regards inquiets qui auraient trahi son agitation. Sans doute il ne la ferait pas longtemps attendre. L'âpreté lui donnerait de l'empressement. Comme elle passait d'une affiche à une autre, elle crut voir que de loin quelqu'un se dirigeait vers elle. Mais ce quelqu'un ne ressemblait en rien par sa tenue au misérable que deux fois elle avait reçu et dont le débraillé s'était imprimé dans ses yeux de façon à ce qu'elle ne l'oublia jamais. C'était un gentleman de tournure élégante, la toilette soignée. Bottines à guêtres mastiques, pantalon quadrillé noir et blanc, gilet blanc, jaquette à carreaux, chapeau gris. Dans une de ses mains gantées de chevreau clair, un jonc à pomme de lapis. Et pourtant c'était sa taille élevée. Quand il se fut rapproché, le doute n'était plus possible. Elle ne l'avait pas reconnu déguenillé, et maintenant elle ne le reconnaissait pas élégant. Il l'aborda, chapeau bas, avec toutes les marques du respect. « Oserais-je vous offrir mon bras ?» Elle eut un mouvement de répulsion. « Marchez près de moi. » Il l'accompagna, le chapeau à la main. « Je n'ai pas l'argent, » dit-elle. Et il mit son chapeau. « Et alors ? » dit-il brutalement. « Dans cette boîte, il y a 400 perles provenant de colliers pesant plus de 6 000 grains, qui a été estimé 400 000 francs. Prenez-les et vendez-les vous-même, ce que je n'ai pu faire. Vous en obtiendrez certainement plus de 250 000 francs. « En êtes-vous sûr ? » ?»« Les perles sont de premier choix. Elles font l'envie des bijoutiers. »« S'il en est ainsi, d'ailleurs la perle est en hausse, je crois. »« Je voudrais qu'elles fussent vendues ailleurs qu'à Paris, où elles sont connues. » « Vos désirs sont des ordres, et puisque vous mettez votre honneur entre mes mains, soyez tranquille. Ne sommes-nous pas associés ?» Elle lui tendait la boîte. Il fit mine de ne pas la prendre. « L'argent me remplacera-t-il jamais l'affection de ma fille ? Ah, madame, aimez-la bien !» Il prit la boîte, salua plus bas encore qu'en arrivant, et s'en alla. Chapitre 7. Le calme avait succédé aux angoisses désespérées qui avaient bouleversé Ghislaine pendant les quelques jours où elle était restée sous le coup des exigences de Nicétas. Certes, ce calme ne ressemblait en rien à l'heureuse sérénité des années qui avaient précédé cet orage, mais elle respirait. Si tout danger n'était pas à jamais écarté, il était au moins ajourné. Était-il déraisonnable d'admettre qu'il pouvait retourner à l'étranger et y rester? Puisqu'il avait passé 11 ans sans revenir à Paris, c'est que rien ne l'y appelait et ne l'y retenait. Ce n'était pas sans intention qu'elle lui avait demandé de ne pas vendre les perles du collier à Paris. Et si tout d'abord il y avait là une raison de prudence, il y en avait une aussi d'espérance. Une fois à Londres, à Vienne ou à New York, il pouvait très bien ne pas penser à rentrer à Paris. Cependant, comme c'eût été folie de s'endormir dans cette espérance qui ne reposait sur rien de précis, elle voulut prendre quelques précautions contre un retour possible et une nouvelle attaque. Pour elle, il n'était que trop certain qu'elle ne pouvait rien. Et comme elle avait été une marionnette entre ses mains, dont il jouait selon sa fantaisie, elle le serait toujours. Mais pour Claude, il en était autrement. Et si, après avoir agi contre la mère, il trouvait de son intérêt de se tourner contre l'enfant, il fallait qu'à ce moment, celle-ci fût en sûreté. Pour cela, le mieux était de la mettre au couvent. S'il voulait tenter quelque chose, où la chercherait-il quand les portes d'un couvent se seraient refermées sur elle, à Paris ou aux environs? Mais elle ne voulut pas prendre cette résolution sans avoir consulté son médecin qu'elle fit venir à Chambray pour qu'il examinât Claude de nouveau. Le médecin fut d'avis qu'à la rentrée d'octobre, elle pourrait travailler comme toutes les filles de son âge, mais que pour le moment il importait qu'elle passât les mois d'été à la campagne sans faire grand-chose. « Encore 3 mois de vie animale, » dit-il en concluant, « et je crois qu'à l'automne elle sera en état de supporter la règle et le travail d'un internat. Mais à condition cependant que ce ne sera pas à Paris. Là-dessus, ma prescription est formelle. Sa bonne santé dans l'avenir dépend de la vie à la campagne. C'est une absurdité meurtrière de maintenir des internats à Paris, lycées ou couvents. Et il y a longtemps qu'on les aurait transportés aux champs, si dans toute maison d'éducation on ne faisait point passer les convenances des directeurs et des professeurs avant l'intérêt des élèves. Ce n'était pas pour ne pas suivre les conseils de son médecin qu'elle les avait demandés. Il aurait ordonné le couvent que Claude eût tout de suite quitté Chambray. Mais la prescription d'attendre jusqu'à l'automne était trop bien d'accord avec son secret dessein pour qu'elle n'en fût pas heureuse. Elle aurait sa fille pendant 3 mois encore. En 3 mois, il ne dépenserait pas 300 000 francs, sans doute. Et avant qu'il revînt à l'assaut, si comme elle le pressentait, il devait y revenir, on aurait le temps de cacher Claude dans quelque petite ville des environs de Paris, assez bien pour qu'il ne pût pas la découvrir. Cependant, comme il était sage de s'entourer de toutes les précautions, même de celles qui paraissaient ne devoir pas servir, elle recommanda à Dagomère de faire bonne garde autour de Claude et de ne jamais la laisser sortir avec personne autre que lui et que sa femme. Quand elle irait chez Lady Cappadoce, comme quand elle en reviendrait, elle devrait être accompagnée. Elle n'était plus une gamine qui peut s'en aller par les chemins. Cela organisé de la sorte, il semblait que Ghislaine pouvait reprendre sa vie ordinaire et être tranquille. Et de fait, elle le fut pendant un certain temps. Mais un jour, elle se trouva tout à coup menacée précisément par où elle se croyait le plus en sûreté, c'est-à-dire du côté de son mari. Pendant l'été, il vivait à Chambray, mais cependant sans que l'hôtel de la rue Monsieur fût complètement fermé. Le comte y venait tous les jours en allant à la chambre. Ghislaine l'accompagnait souvent, et jusqu'aux vacances parlementaires, ils y recevaient parfois des amis, notamment des étrangers pour lesquels une excursion à Chambray n'eût pas été un agrément. C'était le moment où Ghislaine voyait ses parents d'Espagne à Paris et le comte ses amis avec lesquels il s'était lié pendant ses voyages. Au commencement de juillet, un dîner fut ainsi donné en l'honneur d'une infante d'Espagne qui était venue passer à Paris le mois du Grand Prix, et pour se rencontrer avec elle, les Dunières avaient choisi la fleur de leurs amis, l'hôtel avait pris son air de gala, et les serres de Chambray s'étaient vidées dans les appartements et dans le jardin de la rue Monsieur. Quand le comte revint de la chambre où il y avait une séance importante, il trouva Ghislaine déjà habillée et installée dans le grand salon, prête à recevoir ses invités. Ce soir-là, elle avait renoncé à ses habitudes de simplicité, et portait une robe de crêpe de Chine, blanc brodée d'or, qu'elle mettait pour la première fois. À quelques pas d'elle, le comte s'arrêta pour la regarder, pour l'admirer. « Comme cette robe te va bien, » dit-il. Elle est faite pour ta beauté brune. C'est une merveille d'harmonie. » Le premier coup d'œil avait été comme toujours pour l'admiration, mais le second fut pour la critique. « Comment ? Pas un bijou ? » dit-il. « C'est trop de simplicité pour nos hôtes. » « Oh, en cette saison, » répondit-elle surprise de cette observation, la première de ce genre qu'il se permit depuis 10 ans. « Aujourd'hui que nous recevons les enfants, il n'y a pas de saison. Je ne te demande pas de te charger de diamants, mais tu pourrais mettre ton collier de perles, qui sur tes épaules éclairées par les reflets noirs de tes cheveux et l'or de la bordure de ton corsage, produira un effet superbe. » Elle restait interdite. « As-tu des raisons pour ne pas mettre ce collier ? » demanda-t-il en l'examinant. « Quelle raison ? Eh bien alors, fais-moi ce plaisir. C'est sérieusement que je te le demande, non seulement par égard pour nos invités, mais encore pour mon agrément. » Elle pensa à dire que le collier n'était pas en état, mais le comte prévint cette objection. « Il est en bon état, puisque Marche et Chabert ont dernièrement réparé le fermoir. » Toute résistance était impossible. « Je vais le mettre, » dit-elle. Elle monta à son cabinet de toilette, soumise à la fatalité. « C'est la punition qui commence, » se dit-elle en l'accrochant. « Où s'arrêtera-t-elle ? C'est mon premier mensonge. Dans combien d'autres serais-je encore entraînée ?» Elle se regarda dans la psyché, mais son trouble la rendait incapable de voir si la fausseté des perles sautait aux yeux. Il lui semblait que si l'on n'était pas prévenu, on pouvait les croire vraies, alors surtout qu'on ne les examinerait pas de très près. Seulement, ne se laissait-elle pas influencer par les éloges que le bijoutier s'était lui-même décernés ? Et ne les voyait-elle pas telles qu'elle voulait qu'elles fussent ? Il fallait redescendre, car les invités allaient arriver. Et il fallait aussi se donner une assurance qui lui permît de ne pas se troubler quand elle verrait les regards s'attacher, comme toujours, sur son collier qui ne manquait jamais son effet. Ordinairement, ses regards la gênaient plus qu'ils ne la flattaient. Que serait-ce ce soir-là ? En effet, chaque fois que, pendant le dîner et la soirée, elle sentit les yeux s'attacher sur elle un peu plus longtemps qu'il n'était naturel, croyait-elle, elle s'imaginait qu'on était frappé par l'étrangeté de ses perles et qu'on se demandait d'où elles provenaient. Les hommes, pour la plupart, ne se connaissent guère en bijoux. Mais combien de femmes en remontreraient au joaillier ? Elle ignorait si parmi ses convives, il ne s'en trouverait pas une en état de deviner son mensonge. C'est dans leur amour-propre que tremblent les femmes qui ont la faiblesse de porter des bijoux faux. Elle, c'était dans son amour et dans son honneur. À un moment de la soirée, elle éprouva une émotion qui la paralysa. Une de ses cousines, une jeune Espagnole qui faisait son voyage de noces, porta la main sur le collier. « Oh, ma cousine, que je suis contente de voir votre collier. J'en avais bien entendu parler par maman, mais je n'imaginais pas qu'il fût si beau. Laissez-moi le regarder de près. » Elle ne pouvait pas refuser. Heureusement, elle était jeune, la cousine. Elle ne devait pas avoir de fortes connaissances en joaillerie, étant sortie du couvent pour se marier. Et puis comment soupçonnerait-elle que ce collier, dont on parlait tant, pouvait être faux ? C'était à travers son histoire et la tradition qu'on le regarderait, non à travers la réalité. C'était là surtout qu'elle devait trouver une raison pour se rassurer et prendre confiance. Cependant, quand la soirée se termina et que les derniers convives partirent, elle fut grandement soulagée. Enfin, elle était sauvée. Tout au moins l'était-elle pour cette fois. Et après cette épreuve, si l'hiver prochain elle devait le mettre encore par ordre, elle serait moins inquiète. Montée dans sa chambre, elle le défit tout de suite pour le réintégrer dans l'écrin, où elle espérait bien le tenir longtemps renfermé. Mais au moment où elle allait ouvrir cet écrin, elle entendit le pas de son mari. Alors, instinctivement, comme si elle était en faute, elle posa le collier sur une table en malachite et le recouvrit du fichu de dentelle dans lequel elle s'était enveloppée les épaules en sortant du salon. « Vous vous déshabillez ? » dit-il. « Oui ? Eh bien, je vais attendre. Nous causerons tout à l'heure. Ne vous pressez pas. J'ai à lire ce paquet de lettres qu'on vient de me remettre. » Elle passa dans son cabinet, n'osant pas prendre le collier, qui d'ailleurs était bien caché, croyait-elle. Le comte s'assit auprès de la table sur laquelle était posée une grosse lampe en bronze, et il ouvrit une de ses lettres. Mais comme il se trouvait en dehors du rayon de la lumière, il se leva et prit la lampe pour la rapprocher. En la reposant, une des trois griffes qui formaient le pied rencontra un coin du fichu, et il se produisit un petit bruit sec, comme celui d'une fracture. Qu'avait-il donc cassé ? Il enleva le fichu et trouva le collier étalé sur la malachite. Il avait écrasé deux perles. Son premier mouvement fut du dépit et du chagrin.